Lil Mix. God, it is looking weak, she the E, baby E. She got it for the T, we say mark it for the T. Yeah. It is looking weak, she the E, baby E. She got it for the T, we say mark it for the T. Okay. It is looking weak, she the E, baby E. She got it for the T, we say mark it for the T. It is looking weak, she the E, baby E. She got it for the T, we say mark it for the T. Siège en mode posé à l'aise, y'a pas de malaise. Je me jette de la malaise au volant de ma Golf 4. Prends la route de mon virage sur virage, débat la descente en mode pilote de bolide à battre. Nouveau dans la place, poteau je débarque. Pas en 4-4, mais en Golf 4. Mets ton rap à 4 balles, braque, braque. Les meufs, les jupes se lèvent sous le vent que des places. Ma DDI 140, c'est H. Silver, je la nomme pour son style argenté. Les caisses de mer vont déjanter, les pélos déchanter. C'est comme ça que je vais me vanter. Plomber les plombés, à coups de frein, à main et de volant. Je deviens chambre, gonflé de rage, de coup de vitesse, je manifeste. Cette envie de monter jusqu'à 210 sans stress. Alex, pousse sur le champignon et fais péter les watts. On part en train sur la route, faites la place. Ma tête, it is looking rich, j'ai des I ou des DI. J'ai gâté frénétique, oui, c'est moi qui vous le dis. It is looking rich, j'ai des I ou des DI. J'ai gâté frénétique, oui, c'est moi qui vous le dis. It is looking rich, j'ai des I ou des DI. J'ai gâté frénétique, oui, c'est moi qui vous le dis. It is looking rich, j'ai des I ou des DI. J'ai gâté frénétique, oui, c'est moi qui vous le dis. Elle me dit qu'il faut que je me lève, elle me dit qu'il faut que je travaille, elle me dit qu'il faut que je me mette frais pour faire ce que j'ai à faire. Elle me dit qu'il faut que j'ai des rêves, elle me dit qu'il faut que je m'énerve, elle me dit qu'il faut que je me mette bien sans faire rien. Elle me dit qu'il faut que j'engage, que j'enrage, que j'embrasse tous mes repères et dans mes bras que je l'embrasse. Elle me dit qu'il faut que je rappe un peu moins sensé pour que les blaireaux puissent appart rapide, puissent apprendre un peu plus quand les textes passent. Elle me dit que tout est ici, je m'initie, l'avenir ici c'est fini, si mon participe m'incite à fuir le fils et ses fils. Elle me dit mec vas-y t'arrête pas. Oui, conduis-moi là où jamais personne ne m'a jamais emmené de ma vie. Elle me dit qu'il faut que je me lève, elle me dit qu'il faut que je travaille, elle me dit qu'il faut que je me mette frais pour faire ce que j'ai à faire. Elle me dit qu'il faut que j'ai des rêves, elle me dit qu'il faut que je m'énerve, elle me dit qu'il faut que je me mette bien.